Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. C'est ce mardi qu'a eu lieu l'inhumation de celui qui était ministre de l'eau et de l'environnement, tué dans la nuit du 31 décembre. La messe d'action de grâce a eu lieu à la cathédrale Regina Mundi où le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura a appelé les Burundais à rompre avec la voie de la violence. Le président de la République avait marqué de sa présence ces cérémonies. Et le ministère du Commerce envisage d'autoriser l'importation du sucre à partir de l'étranger, à partir de février jusqu'au mois de mai, par les commerçants remplissant les conditions. Explication donnée, prévenir la pénurie de sucre lors de la campagne de production de sucre par la Sosumo. Et puis le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme appelle le gouvernement à suivre de près les activités des associations sans but lucratif dont des responsables s'arrogent le droit de s'enrichir via l'argent de la population. Allusion faite ici à la coalition des associations des travailleurs domestiques accusés de collecter illégalement de l'argent estimé à 8 500 francs burundais pour tout domestique en mairie de Bujumbura. Et dans la chronique santé comme tous les mardis, nous parlerons de l'addiction aux scènes de sexe qui non seulement épuise le cerveau mais n'aide à rien dans la pratique des relations sexuelles. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, la Commission nationale des droits de l'homme dit suivre de près les activités de la coalition des associations des travailleurs domestiques, laquelle est accusée de collecter illégalement de l'argent estimé à 8 500 francs burundais pour tout domestique en mairie de Bujumbura. Jean-Baptiste Balibonekeza, président de la CNIDH, indique que sa commission est en contact avec les concernés. Il affirme que l'adhésion à toute association est volontaire. Chacun entre dans une association quand il veut. Il la quitte quand il veut. Il en est de même pour la création d'une association. Suivez Jean-Baptiste Valiwonekeza. Au niveau de la CNIDH, tout d'abord, nous réaffirmons la liberté d'association qui est garantie entre autres par l'article 32 de la Constitution burundaise, mais aussi par l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que la liberté d'association emporte aussi la liberté de ne pas adhérer et de sortir de l'association à tout moment quand vous le désirez. Et donc, nous sommes en train d'enquêter, d'aller de l'avant, de voir surtout avec les responsables des associations qui sont mises en cause et de voir aussi avec les autorités. Nous envisageons notamment de consulter les autorités au niveau municipal et de voir s'ils sont au courant de ces activités et des associations et d'apprécier la base légale justement de leurs activités et de pouvoir arrêter cette pratique qui a priori semble illégale. De notre côté, nous estimons qu'aucune association ne peut s'arroger le droit de forcer des individus à participer à leurs activités. La participation est consensuelle. Ensuite, ils ne peuvent pas non plus s'arroger le droit de prélever des fonds, n'est-ce pas, de la part des individus avant d'avoir tenu des réunions avec les concernés pour que les membres en réalité se conviennent sur le montant des cotisations, sur la destination des fonds qui sont collectés et sur l'usage, n'est-ce pas, de ces fonds. Ça, c'est des choses qui doivent être déterminées par les membres de l'association conformément à la loi, étant donné que ce sont des associations sans but lucratif qui ne sont pas autorisées à faire des bénéfices. Le président de la CNIDH appelle le gouvernement à suivre de près les activités des associations sans but lucratif dont des responsables s'arrogent le droit de s'enrichir par l'argent de la population. Il insiste sur le fait que personne ne devrait être forcé à adhérer dans toute association. Suivez encore une fois Jean-Baptiste Valibonekeza et ses propos ont été recueillis par Léonce Vitalio. Nous appelons les autorités du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que l'agrément des associations tient compte, n'est-ce pas, de tous les critères nécessaires pour une bonne évolution des organisations, des associations sans but lucratif. Comme vous le savez, depuis la période de la démocratisation du pays, il y a eu un certain engouement, n'est-ce pas, de la part des individus à s'organiser en association. C'est des choses tout à fait normales, mais qui doivent s'exercer sous le contrôle. Ça veut dire que l'État doit contrôler en particulier que les personnes qui viennent demander l'agrément comme association remplissent les conditions légales. Si c'est une association sans but lucratif, elle doit effectivement continuer à affirmer son caractère. Donc c'est très important que le ministère de l'Intérieur mette le paquet nécessaire, d'éviter en deuxième lieu aussi que certains responsables des associations, par exemple, profitent de la crédulité de leurs membres ou des besoins des autres, n'est-ce pas, ou de ce cadre qui est créé normalement pour le bien-être des populations et surtout des membres des associations, pour s'enrichir, par exemple. Étant donné que c'est des ASBL, le ministère de l'Intérieur, de même que le ministère des Finances d'ailleurs, qui a normalement la prérogative pour lever des fonds au nom de l'État, par exemple, et ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas des individus qui sont en train de pratiquer une forme de taxe illégale. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous l'avais dit, ce mardi, il y a eu cérémonie d'inhumation de l'ancien ministre de l'Environnement, Emmanuel Niyonguru, dans son homélie, durant la messe de Requiem. Le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura a interpellé les Burundais à rompre avec la voie de la violence. Monseigneur Anatol Rugerinyange invite les chrétiens à changer, car, précise-t-il, ils auront des comptes à rendre à Dieu. On l'écoute, il est traduit par Joseph Sabiyabandi. Au Burundi, il y a des chrétiens et des non-chrétiens, les croyants et les athées. On s'interroge sur ce que les chrétiens ont de meilleur par rapport aux autres. De toutes les façons, le chemin reste long vu ce qui se passe. Au lieu de faire du bien, on fait le mal. Au lieu de sauver, on tue. Au lieu de bénir, on maudit. Demandons à Dieu, le Tout-Puissant, de changer les cœurs des gens qui ne projettent que tuer les autres. Plaidons pour qu'il enlève la violence dans les cœurs des Burundais. Oui, nous tuons de diverses manières, en faisant le mal par une mauvaise langue qui rabaisse les autres. Évitons les paroles qui ne construisent pas. Nous sommes des chrétiens, abandonnons les paroles qui tuent lentement. Vous savez que chacun comparaîtra devant Dieu. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on apportera? Que chacun s'examine. On nous dit que feu Emmanuel Niyonguru était plein d'amour. Précisons qu'après la messe d'action de grâce, les cérémonies ont continué au cimetière de Manda. Nous reviendrons sur cela dans nos éditions de la soirée. On rappelle aussi que le procureur général de la République a déclaré à la presse dernièrement que 6 personnes sont déjà arrêtées pour enquête sur l'assassinat d'Emmanuel Niyonguru. Le Forum permanent de dialogue des partis politiques agréés au Burundi invite les politiciens burundais ayant fui le pays à rentrer au bercail afin de commencer à se préparer aux élections. Dans un communiqué de presse de ce mardi, le secrétaire permanent du FDP, Alain Diomède Nzeyimana, précise aussi que ceux qui ont participé au putsch manqué aux manifestations l'an dernier doivent répondre à la justice. Suivez Alain Diomède Nzeyimana au micro de Didier Nyonzima. Nous invitons aussi les politiciens qui sont à l'extérieur du pays de rentrer au pays pour commencer déjà à préparer les élections de 2020. Et il y a par exemple des activités qui semblent être prévues, tout en se rappelant par exemple quand à la tuile de Kayanza, les politiciens avaient proposé de changer quelques articles du code électoral, mais qu'ils avaient été bloqués par le fait que ça nécessitait aussi le changement de la constitution. Pour le moment, je crois que c'était un moment opportun de le faire. Et si ces politiciens vraiment sont sérieux pour consolider la démocratie, il faut qu'ils soient ici pour se battre pour les urnes. Et en dernière position, nous demandons aux autres Burundais qui sont en exil de rentrer et nous allons les accueillir avec les mains ouvertes. Vous dites que vous lancez un appel à tous les Burundais qui sont à l'étranger, y compris les politiciens, à rentrer au pays justement pour effectuer les activités ici au Burundi. Mais est-ce que au sein du FDP, vous pouvez vraiment les rassurer que la sécurité sera garantie une fois qu'ils seront ici sur place? À part peut-être les gens qui ont participé aux putsch et aux manifestations violentes qui sont poursuivies par la justice, vous savez bel et bien que la sécurité et la paix au Burundi est une réalité pour le moment. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour les politiciens, mais c'est pour tous les Burundais. Aux politiciens qui se trouvent à l'extérieur du pays, qui sont poursuivis par la justice, je crois que c'est pas la première que l'on en parle, que les gens qui sont poursuivis par la justice ne peuvent pas rentrer et participer au dialogue alors qu'ils doivent d'abord répondre à la justice avant de participer au processus politique et électoral. C'était Alain Diomède Nzeyimana. Et le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme compte autoriser les commerçants remplissant les conditions d'importer le sucre des pays étrangers, et cela à partir de février jusqu'au mois de mai. Selon Sébastien Zimana, directeur général du commerce, il s'agit d'une décision qui vise à prévenir la pénurie de sucre lors de la campagne de production de sucre par la Sosumo. Il ajoute que si la pénurie persiste, même après les 3 mois, le ministère du Commerce saura la décision à prendre. Suivez-le, il est au téléphone avec Placide Niomongue. Effectivement, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme voudrait, en collaboration avec la société citoyenne d'Imosso, arrêter une liste de commerçants en vue d'importer le sucre à partir du mois de février au mois de mai 2017. On a pris cette décision pour prévenir à la pénurie, peut-être les jours à venir, au moment des campagnes. On a pris ça compte tenu de l'année passée, on a vu qu'il y avait un cancer du sucre, c'est pourquoi on a voulu prévenir ça. Vous dites que vous allez importer. Quelles sont les grandes raisons que vous avancez pour qu'il y ait cette importation du sucre? C'est pour aider la société sucrière de Sosumo pour éviter la pénurie. Normalement, c'est pour prévenir. C'est pour prévenir la pénurie dans les jours à venir. Pour penser à cette importation, est-ce que vous avez constaté que la production de la Sosumo est tout à fait basse ou bien il y a également d'autres raisons? On a autorisé au moins 5 000 tonnes. 5 000 tonnes, c'est pas tellement beaucoup. C'est pour aider la société pour la question de pénurie, tout simplement. Quant à la quantité qui sera importée, est-ce que ça ne va pas plonger la production de la Sosumo pour que la Sosumo risque de tomber en faillite? Pas du tout. Il y a un groupe technique qui travaille là-dessus, qui doit pour autant suivre la régulation de cette importation. Mais qui doit importer? C'est tout un commerçant qui doit avoir un registre d'autocommerce, le numéro d'identification fiscale qu'on appelle NIF, et le code d'importateur, prouver aussi la capacité financière de pouvoir importer au moins 5 000 tonnes de sucre. Si le ministère constate qu'il y a encore pénurie du sucre après ces 3 mois, est-ce que le ministère compte projeter le projet? Effectivement, il y a un groupe technique qui doit analyser ça. On va vous informer au temps opportun. Et le programme d'activité pour l'an 2017 au ministère de l'Éducation se conformera au budget annuel disponible. Le porte-parole de ce ministère dit cela après que le budget annuel destiné à ce ministère ait été revu à la baisse. Et concernant les outils didactiques pour les classes post-fondamentales qui ne sont pas encore parvenues aux écoles pour ce deuxième trimestre qui vient de commencer, Juma Edouard dit que ces manuels scolaires vont être transférés aux écoles dès qu'ils seront disponibles. Juma Edouard, il est porte-parole du ministère de l'Éducation, il était au micro de Dorine Ndairorere. La rentrée scolaire pour le deuxième trimestre de l'année 2016-2017 a commencé. En ce qui concerne donc la situation pour les classes de poste fondamental, c'est là qu'il y avait quelques soucis, mais en réalité, ces classes utilisent des outils qui sont bien spécifiques et qui sont répartis en trimestres. Si au départ il y avait une distribution des outils pour le premier trimestre, ce trimestre-ci va y avoir distribution des outils du deuxième trimestre, et après ce sera les outils du troisième trimestre. Je tranquillise donc ceux qui nous écoutent. Si ces outils-là ne sont pas encore parvenus aux écoles, c'est une question de quelques jours, ça sera fait. Il semble que des mesures d'austérité ont été prises à l'endroit de votre ministère concernant le budget annuel. Parmi vos projets qui devaient être réalisés tout au long de l'année, qu'est-ce qui vont être privilégiés ou bien qu'est-ce qui vont être abandonnés? Non, on ne peut pas s'exprimer comme ça en termes de ce qui va être abandonné ou de ce qui va être réalisé. Nous adaptons nos projets aux moyens qui sont disponibles. Donc cette année, les programmes d'activité de l'année vont se conformer au budget. Il ne faut pas oublier que le gouvernement n'a pas que le ministère de l'Éducation à financer. Il y a plein d'autres ministères et d'autres institutions qui contribuent à la vie nationale. Et tous ces secteurs-là bénéficient d'un budget qui émane des arbitrages qui sont faits au niveau du gouvernement. Et c'est maintenant au ministère de pouvoir s'adapter par rapport aux ressources disponibles et d'adapter ses programmes et ses ambitions par rapport au budget disponible. Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il est 13h10 à Bujumbura. Ce journal se poursuit avec l'actualité nationale dans les provinces, l'actualité internationale. Et après, ce sera la chronique santé. Le taux de réussite est de 72% pour les enfants vivant avec un handicap à l'école fondamentale Moyinga 3, mais ces enfants éprouvent des difficultés d'adaptation aux infrastructures de cette école pilote dans l'encadrement de cette catégorie d'enfants. Dieudonné Zeyman. 44 écoliers vivant avec handicap suivent régulièrement les cours à l'école fondamentale Moyinga 2, dite officielle. Parmi eux, des enfants avec une déficience mentale, ce qui apparaissait au début comme un fardeau pour les enseignants, pourtant très ravis aujourd'hui des résultats de ces enfants. Au début, sur ce deuxième trimestre, c'est le moment de jeter un regard sur les résultats du premier trimestre afin de bien lancer le second trimestre. Les enfants vivant avec handicap ont positivement surpris les enseignants. Le taux de réussite pour cette catégorie d'écoliers est de 72%. Aline Dayambagé, directeur de cette école, indique qu'avec l'appui de Handicap International, les enseignants ont eu une méthodologie propre pour encadrer ces enfants sans distinction avec les autres. Selon l'handicap, on peut même se fixer un objectif particulier d'après son responsable citant le cas des enfants avec le problème de se soulager inconsciemment à qui on aide à s'habituer progressivement à se faire aider en cas de besoin. Les infrastructures non adaptées restent le grand défi. Les enfants assis dans des chaises roulantes ont du mal à entrer dans les classes avec des escaliers et les latrines dont des fils à retordre. Aux écoliers qui prennent l'initiative d'accompagner ces enfants vivant avec handicap dans ce lieu d'île d'aisance. Dieudonné Zeimana, Mwinga pour Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Lancement d'une campagne de dépistage volontaire de la lèpre dans la province sanitaire de Rumonge ce lundi. Docteur Jean-Claude Nicoma Savo, médecin provincial de Rumonge, a dit que c'est pour un traitement précoce des patients et éviter la transmission aux personnes saines dans la province où 52 cas de lèpre sont signalés dans seulement 3 communes des 5 qui composent cette province. Jean-Pierre Misako. Au centre de santé Kizuka, où cette campagne a débuté ce lundi, 75 personnes se sont fait dépister volontairement. Un seul test à la lèpre a été positif selon Jean-Claude Ndikumasavo, médecin provincial de Rumonge. Ce responsable sanitaire informe que les communes de Rumonge, les parties occidentales des communes Burambi et Buyengero adossées à la plaine de Limbo, sont concernées par cette campagne de 4 jours, une campagne qui sera relayée ensuite par les infirmiers déjà formés. Dans un premier temps, indique Dr Jean-Claude Ndikumasavo, c'est un traitement précoce afin d'éviter que la personne atteinte évolue vers un handicap ou la mort. Et dans un second temps, c'est pour éviter la transmission aérienne de la maladie. En effet, 52 cas de lèpre sont enregistrés dans ces communes avec 22 cas qui nécessitent une intervention chirurgicale vu que la maladie a déjà détruit certaines parties de leur corps. Une conséquence du retard du traitement, Dr Jean-Claude Nicomasabo conseille à toute personne qui voit apparaître sur son corps des lésions cutanées plates avec parfois une hypoesthésie de consulter immédiatement une structure de soins. Il indique que les communes de Muhuta et Bugarama, actuellement partie intégrante de la province Rumonge, restent encore dans la province de Bujumbura dite rurale, dans ce programme anti-lépreux. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Santé toujours avec ces difficultés que connaît le centre de santé de Burima 1 en commune Mutambu de la province Bujumbura, surtout lors du transfert d'un malade. Jeannette Nezegui-Imana, titulaire du centre de santé, précise que l'ambulance ne peut pas y arriver car la route menant à ce centre de santé est impraticable. Le problème devient plus épineux quand un transfert s'impose la nuit. À ce moment, difficile de trouver des personnes pour aider dans le transport du malade jusqu'à 1 km. Et là, c'est l'endroit où la route est coupée. Entre-temps, on attend la réhabilitation de cette route par l'Office des routes. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, l'heure est au bilan aux États-Unis d'Amérique. Après de Ben Laden à Guantanamo, le bilan de la guerre d'Obama contre le terrorisme à la fin de son dernier mandat. Et en Gambie, 3 présidents de la CDAO, vont encore une fois demander à Yahya Jammeh de se retirer du pouvoir et en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle estime inopportun pour désigner le dauphin de Joseph Kabila. Alain Désiré Boukéyenez. En République démocratique du Congo, la coalition qui soutient le président Joseph Kabila avec espoir de gagner aux prochaines élections à tous les niveaux estime que le moment n'est pas opportun pour désigner le dauphin de Joseph Kabila, a expliqué Obe Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle. Selon le site de la radio BBC, la constitution interdit au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. D'après l'accord politique conclu le 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition, les prochains scrutins auront lieu à la fin de l'année 2017. D'ici là, le président Kabila, dont le mandat a pris fin en décembre, restera en fonction. En Gambie, un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la Gambie ce lundi a décidé que la Cour suprême de la Gambie doit statuer ce mardi sur les recours en annulation de la présidentielle de décembre déposée par le président Yahya Jammeh. Aucun des 5 juges de la Cour suprême devant plancher sur le contentieux électoral n'est pas encore arrivé à Banjul. Il s'agit en effet des 5 juges étrangers, notamment des Nigérians et des Sierra Leone, sollicités par le président sortant. Yahya Jammeh, qui a refusé de quitter le pouvoir, a donc désormais très peu de marge de manœuvre pour faire invalider les résultats de la présidentielle de décembre. Aux États-Unis d'Amérique, l'heure est au bilan de celui qui a gouverné les États-Unis au cours des 8 dernières années. Le soir du 1er mai 2011, Barack Obama s'adressait aux Américains que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Osama Ben Laden, qui a été considéré comme un succès dans sa lutte antiterroriste. Comme nous le lisons sur le site de la RFI, parmi les promesses non tenues, il y a la fermeture de la prison militaire sur la base américaine de Guantanamo, dont Obama avait paraphé l'acte de fermeture en janvier 2009. Radio Isanganiro Chronique. C'est la chronique santé et nous parlons de la pornographie et surtout de ses conséquences. Avoir une addiction aux scènes de sexe non seulement épuise le cerveau, mais n'aide à rien la pratique des relations sexuelles, comme l'affirme Benny Ndayishimiye. Il est conseiller sexuel. Il explique que les acteurs de ces films pornographiques prennent des pilules qui leur donnent une résistance surnaturelle, lesquelles ne manquent pas de conséquences. Et la chronique santé est préparée par Clarine Mounouziz. Regarder des films qui montrent des pratiques sexuelles se fait aussi bien par les jeunes que les adultes. Benny Ndayishimiye, conseiller sexuel, explique que ces deux groupes ont des objectifs complètement différents en visionnant ces films. Pour les jeunes, je dirais que c'est la curiosité. C'est la curiosité sexuelle qui les amène à regarder ces histoires. Ça veut dire quoi? C'est une forme de découvrir ce que les personnes adultes font. Il y a aussi l'influence des groupes. Il y a les jeunes qui les influencent, il faut regarder. Et lui, il va regarder pour s'affirmer. Mais pour les hommes adultes, ils vont regarder ça dans un contexte formatif, en croyant qu'ils vont apprendre des notions, de perfectionner leurs rapports sexuels. L'endurance des rapports sexuels dans les films pornographiques est due aux pilules que les acteurs prennent, chose impossible dans la vie réelle. Vu tous les préparatifs qu'on fait, les montages, et vu surtout les pilules, les médicaments que ces gens prennent pour faire l'endurance des rapports sexuels. Donc la pornographie, ce sont des pratiques déviantes des rapports sexuels. Comme conséquence, le conseiller sexuel dit que les personnes accros aux films pornographiques deviennent non seulement plus appétissantes, mais aussi brutales. Et quelqu'un qui regarde la pornographie, il y a cette forme de crise d'identité d'abord. Pour les jeunes, ils se croient adultes. Aussi, pour les adultes, les mariés qui regardent les pornographies, d'abord ça donne une déviance de regard. Ça transforme le regard qu'il a envers son mari, sa femme. Donc ça transforme son regard. Il ne la considérait plus dans toutes ses dimensions de valeur, mais il regarde comme si c'était une consommation sexuelle, de faire les pratiques qu'il a vues. Donc la relation conjugale devient focalisée sur le sexe à cause de ces implantations provenant de la pornographie. Et aussi, ça donne une déviance des rapports sexuels, parce qu'on ne fait plus des rapports sexuels naturels. On fait des rapports sexuels du conformisme. On se conforme à ce que la pornographie nous exige, d'où ça implante une forme d'égoïsme sexuel chez l'homme. Parce que ce n'est plus un plaisir partagé, mais c'est un plaisir égoïste. Parce que tu es en train de faire travailler quelqu'un des pratiques qu'il n'est pas habitué à faire. Benny Ndayishimiye, conseiller sexuel, termine en disant que cette dépendance à la pornographie crée des troubles à la sensibilité émotionnelle et sexuelle qui peut conduire à commettre des viols. Une autre conséquence serait la masturbation à forte dose qui pourrait causer à la personne certains troubles, comme on le verra dans la chronique qui suivra. Merci Clarine, merci Benny, ainsi sort vraiment ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Kimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, un très bon après-midi.